yeah. Check it out, yo, the Gemini. Drop the shit for the Nana. Tu suffirait de toucher un mauvais fil, corde sensible. Pour que des kilos de plastique te prennent en cible. Impossible de réussir, en fait rien n'est infaillible. La loto fait parfois un gagnant, parmi ses perdants seulement. Convient qu'un pourcent, c'est pas très grand. Et prendre le risque équivaut à croire encore en la fée des dents. Comprends pas pourquoi c'est comme ça, ça m'arrive à moi. Mais c'est de fait, puis voilà, de vivre avec ça. Quoi, qu'est-ce que ça me regarder de cette façon là. Si problème il y a, crois-moi, problème on réglera. Y'a pas d'autre choix, sans quoi le respect se perd. Car j'afflige des dégâts, si devant moi ça joue comme Sega. Car aux apparences, je fais pas si bien que j'en ai l'air. Première face cache, quoique deuxième face derrière. C'est pas d'hier que le Gémeaux frappe avec sa mine. Pose au pied de Suisson, fini d'être victime de jalousie. Trop d'hypocrisie, trop de traite, de tête vide, ne sachant pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils visent. Et j'appuie, c'est tant pis, mon destin, je suis mon instinct, du bon côté. Y'a trop de chance dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce est trop corsée. Y'a trop de chance dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce est trop corsée. Trop souvent, le soir, l'insomnie me torture, silence nocturne, rend fou comme loup-garou sous pleine lune. De d'une fois me suis dit que si je cache le sida, le cancer ou quoi que ce soit, j'emporte avec moi tous ceux à qui Dieu a tort, a transmis son souffle. Pour qui j'inventerai la pire des morts afin qu'ils souffrent tous. Réaliser tous mes fantasmes de désaxer. Quelques banques au passage, être l'être le plus recherché. Violerai des célébrités, le tout serait filmé, diffusé sur le net. Imagine ce que ça peut rapporter. Étant donné que je peux pas emporter mon cache de Lucifer, et que je me shooterai avant qu'on m'attrape. Ça, c'est clair, je l'écris à mes partenaires, ils sauront quoi en faire. Fructifier, multiplier, puis en profiter, apprécier. Et si quiconque salit mon nom, ils sauront bien lui faire visiter le sein, leur rang jusqu'au fond. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Trop c'est trop, ça va déborder. Rat de marée, rien ne pourra m'arrêter. Paré à me défouler, opéré, enterré. Vivant, prisonnier comme en sang. Quand on a compris les choses qui donnent envie d'envier les absents. Présentement ma vie défile lentement dans ma tête. Contemple un jour de pluie, jour de fête. Je m'apprête à briser les chaînes qui me retiennent. C'est dans mes gènes d'être libre et de faire tout ce que j'aime. T'aimes ou que t'aimes pas ce que je fais, me gêne pas, rien à foutre. De toute façon je suis ma route, coûte que coûte, écoute ça. Doute pas de moi, c'est du sérieux. Check dans mes yeux. Ça m'est égal de pas vivre vieux, désolé messieurs. Mais la cravate c'est pas pour moi, ceci un patron. Pour une augmentation, oublie ça, je suis à mon compte. Tu vois un travailleur autonome, pas de bureau ni de secrétaire. Que mon microphone est. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Y'a trop de choses dans ma tête, en fait, elle a l'air d'une bombe. T'as rien sauté, pas un spécialiste au monde. Même le plus qualifié ne pourrait l'empêcher d'exploser. La désamorce c'est trop corsé. Listen, coach, take heed to this shit.